nous me demandent tous de l'air. Moi je suis rien sans cette oseille. Je roule que la puff me balaie. Tordu, tordu par Corbeil. J'ai peur un peu pour moi, beaucoup pour toi. J'essaie de m'adoucir mais les mains me rendent noires. Il reste quelques gens bien, je garde espoir. Je serai pas le même sans les miens ou sans le noir. Je fais le tour de la pièce la nuit, je fais le tour de la ville. Une gourde, je fais le chila quand cette putain de vie m'ennuie. Et si cette vie n'est pas bonne, je la baiserai pas. Je veux pas être comme le roi, je vaux mieux que ça. Nerveux comme équipe sans liquide. Recherche du bonheur, je m'enfonce dans le vide. Le temps passe sur ton visage, le chrono me fait mal au beat. Je vois le monde un peu à l'envers. J'attire des putes blanches aux sentiments noirs. Je les douche, je fais pas la patine. Bah les couilles si tu parles trop, c'est la rue qui t'abîme. Tu connais, faudra pas déconner, c'est AD qui taquine. Coco joue pas le kéké, un comme caca. Un peu survolté, un dos louche comme Blanca. Sous Jamaica, sort un flow comme Sanka. J'mets ma casquette, elle me rappellera toujours ce temps où j'tenais les murs. J'adoucis le flow, le regard si tu. Je me suis détruit en construisant l'avenir des miens. Je me remets en question avec des larmes dans mon ventre. Je disais mon nom, tu sais, tu devrais fuir. À croire qu'elle savait ce que je deviendrais à l'avenir. J'ai que des tics à l'odeur de l'argent. Je me cache quand je cache le cache dans la chambre. Comme avant, comme demain, ou comme avant tout. Rien ne change à part que je suis encore plus fier. Je suis toujours gang, à la trentaine je dis toujours bang. Elle se rappelle de mon coup de rein sur du triple chang. Je fume et puis je traque son en pronation. Je sens ma bite dans les prolongations. Je suis serein dans ce temps en location. Je suis à 100%, mes 10%, époque œil pour œil, et bouche sur gland. Je passe au vert, en billet de sang, cœur pas si blanc, et je prie pourtant. Souris, j'ai le parfum du doré. Y'a très peu d'anges pour m'épauler. J'ai les doux, je vais pas la cantine. Bah les couilles si tu parles trop, c'est la rue qui t'abîme. Tu connais, faudra pas déconner, c'est AD qui taquine. Coco joue pas le kéké, un comme caca. Un peu survolté, un dos louche comme Blanca. Sous Jamaica, sort un flow comme Sanka.